à mort. Tu as tout ce que je désirais chez un homme. À mort. Ne cherche pas plus loin, tu es tombé sur la bonne. À mort, tu m'en voûtes. À mort, oublie les toutes. À mort, je paierai le prix fort. Je paierai ce que ça coûte. À mort, je n'ai aucun doute. À mort, t'es tombé sur ma route. À mort, si tu veux que ça marche, il faudra que tu m'écoutes. Tu te demandes pourquoi je suis aussi sûre. Très bonne question. C'est peut-être mon intuition qui me dit que notre chemin est long. J'ai envie que tout soit carré. J'ai pas envie de tourner en rond. Je veux être ta priorité. Je veux pas te voir sur tous les fronts. J'étais seule. Je t'imaginais. Dans ma tête, je te dessinais. Je te donnais vie sur ma feuille. J'étais seule. Ma vie m'a surprenne. Je veux ma main dans la tienne. Je veux t'entendre me dire tous les jours que tu m'aimes. Laisse-moi rêver en pensant à toi. Je plane. Je sais que je passerai de mademoiselle à madame. À mort, je vais t'avoir. À mort, je te demande pas d'y croire. À mort, je vais faire de nous la plus belle de tes histoires. À mort, donne un peu de ta personne. À mort, ne fais pas l'avare. À mort, saisis ta chance avant qu'il soit trop tard. Tu te demandes pourquoi je suis aussi sûre. Très bonne question. C'est peut-être mon